Nous allons traiter des points 6, 7 en même temps. Revenir à un traitement équitable entre universités pour satisfaire à l'exigence d'un enseignement et d'une recherche de qualité sur tout le territoire, au service des étudiants. Et j'ai bien l'impression que de nombreuses signatures de citoyens ont particulièrement crédité cela. Doter tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, pour le point 7, de conseils décisionnaires où les élus des personnels et des étudiants soient largement majoritaires, et limiter l'emploi des structures afin de rester au plus près de ceux qui assurent effectivement la mission de service public qui leur est confiée. Lorsque nous avons écrit cela, nous avons évidemment condensé des réflexions qui ont fait que le point 7 a pu être mal compris, puisqu'il semblerait que les CA des universités soient bien des conseils décisionnaires où les élus des personnels, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs, mais aussi des biatos et des étudiants, sont largement majoritaires. Oui, mais en disant des conseils décisionnaires, nous ne voulons pas dire des conseils d'enregistrement de décisions qui sont élaborées et prises ailleurs, et pour tout dire, qui sont élaborées et prises au niveau de ce que nous appelons les IDEX. Et quand on parle de limiter l'empilement des structures, c'est bien sûr les IDEX qui étaient dans le collimateur de ce point 7, comme d'ailleurs du point 6, puisque ce sont les IDEX, les EquipEx, les LabEx, cette politique des investissements d'avenir, qui créent donc des déséquilibres territoriaux majeurs. Alors pour introduire simplement ce point, et je pense ensuite que Pascal Maillard de Strasbourg pourra revenir sur le cas de l'exemple, je dirais simplement sur ces IDEX ce que nous sommes à SLU en train d'écrire suite à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le fait qu'on force les heureux, comme on les appelle, bénéficiaires des IDEX, à signer pour des statuts où, bizarrement, la notion de bonheur me paraît être absente. En effet, l'objectif des gouvernants qui ont mis en place les IDEX peut être, et je m'appuie donc sur la fin de notre analyse à SLU, peut être synthétisé en quatre petits points. Les IDEX veulent d'abord créer d'immenses pôles universitaires au détriment des équilibres territoriaux. Deuxième point, ces immenses pôles universitaires sont dotés d'organes de décision très resserrés pour que les nouveaux établissements ainsi formés puissent être gouvernés comme des entreprises. Troisième point, il s'agit de réorienter au sein de ces pôles les financements vers quelques labos et à l'intérieur des labos vers quelques projets de recherche et vers quelques formations jugées prioritaires par le pouvoir, suivant les préconisations de la SNRI. Quatrième point, quel est le véritable enjeu pour l'USR, pour l'enseignement supérieur et la recherche de ces IDEX, hein, cet enjeu jamais explicité, mais que l'on retrouve toujours dans les raisons données à ceux qui n'ont pas eu l'IDEX, le véritable enjeu est là. Avec les IDEX, le processus engagé par la loi LRU de restructuration des structures universitaires sera achevé. En effet, en termes de gouvernance, comme on dit, guillemets, et de financement, il s'agit avec les IDEX de faire basculer à la fois la maîtrise des décisions et la maîtrise des budgets dans des conseils de gouvernance créés ad hoc, au nombre de représentants élus dérisoires, un représentant pour les personnels enseignants, un représentant pour les biatos, un représentant pour les étudiants, sur des conseils de 14 ou 16 représentants, et des conseils donc créés ad hoc qui concentrent toute gestion sur un mode managérial en imposant des économies d'échelle et donc pour cela en décidant de façon complètement discrétionnaire de regrouper les établissements sans consultation des personnels et sans consultation des étudiants. On voit qu'il s'agit là par une politique donc de contractualisation entre l'État et chaque IDEX de mettre en place des structures globales irréversibles pour les établissements, et des structures qui sont destinées à redéployer complètement les financements vers certains labos et certaines formations, et qui sont destinées également à tuer définitivement toute forme de collégialité et de démocratie universitaire. Donc voilà pour la présentation générale. Je laisse le cas peut-être plus particulier avec Pascal.